meilleur au bord du Touet, sur la rive qui mène à Saint-Jean. Je me suis dit, tiens, un petit banc. C'est alors que dans mon errance, entre les nénuphars, les cygnes, j'ai vu qu'on me faisait signe, on me faisait signe. Descendu aux Ursulines, j'ai pris ma gratte, mon sac à dos, dans ce petit coin de paradis, au milieu des roseaux. Non mais non, je ne rêvais pas. Cette fille aux yeux de cristal que se fourvoyait dans les ondes au fil du Touet, moins que je ne m'illusionne. La vie ne tient donc qu'un fil, sois pas idiot pour la ruiner. Ton cœur est une chlorophylle dans cet univers enragé. Avec le temps qui passe si vite, par peut-être au bord du Touet, j'imagine pas prendre la fuite. M'emprisonnait. Laisse donc parler l'imaginaire, ne fais pas trop aux apparences, reprends un peu d'air, dis-toi que t'as de la chance. T'es en vacances, bord du Touet, t'en as de la chance. Je me promenais hier au bord du Touet, sur la rive qui mène à Saint-Jean. Je me suis dit, tiens, un petit banc. C'est alors que l'homme en errant, entre les nénuphars, les cygnes, j'ai vu qu'on me faisait signe, on me faisait signe.